إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on continue dans l'explication du livre Sharh al-Kitab Adab al-Mashi et la Salat. Et on est toujours dans la description de la Salat, Sifat al-Salat. Et le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit: قوله ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة، والسجود على هذه الأعضاء السبعة. ويستحب مباشرة المصلي ببطن كفيه ويستحب مباشرة المصلى ببطون كفيه وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة، رافعا مرفقيه. وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد، لأنه يذهب الخشوع. ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويضع يديه حذو منكبيه، ويفرق بين ركبتيه ورجليه. Donc on va traduire ce passage là. Il dit que la personne, donc, parce que l'explication du passage précédent, on expliquait lorsque la personne elle se relève du ruku. On a expliqué la personne lorsqu'elle se relève du ruku et qu'elle dit Sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd. On a expliqué tout ça. Maintenant, on est arrivé à la position suivante, c'est-à-dire lorsque la personne est debout après s'être inclinée, après avoir fait le recours. Maintenant, elle va se prosterner, elle va se pencher pour commencer, pour aller vers la prosternation. Donc, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il explique qu'ensuite la personne elle fait le takbir et elle se penche, elle se baisse pour aller vers la prosternation, pour se prosterner. Et elle lève ses mains, elle ne lève pas ses mains, il dit elle ne lève pas ses mains à ce moment-là quand elle fait le takbir. Et elle met ses deux mains sur ses genoux. Il dit elle met ses genoux par terre, puis ses mains ensuite et son visage. Donc elle met c'est parce que vous savez, bon, le cheikh il va parler de la divergence à ce sujet-là. Est-ce qu'on met les mains en premier ou les genoux en premier? Donc lui, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit la personne elle met ses genoux par terre en premier, puis ensuite elle met ses mains et son visage. Et on va voir par la suite, le cheikh Abdul Mohsin, il va mentionner la divergence à ce sujet-là, puis il va expliquer sa position là-dessus. Après, il dit, donc, il met, comme on a dit, ses genoux après ses mains et son visage, et il place son front et son nez sur le sol, ainsi que ses deux genoux et les pointes de ses orteils. Les pointes de ses orteils également. Tout ça, donc les pointes de ses orteils en direction de la Qibla, c'est-à-dire pliées vers la Qibla. Et donc il se prosterne sur ses sept membres. Et ça, c'est un pilier. C'est obligatoire de le faire. C'est-à-dire de se prosterner sur le front et le nez. Ça fait un. Les deux mains, ça fait trois. Les deux genoux, ça fait cinq. Et les deux pieds, les orteils des pieds, ça fait sept. Donc ça, c'est les sept membres qui doivent toucher par terre pendant le sujoud, pendant la prosternation. Il dit, il est recommandé que la personne qui fait la salat, au moment où elle se prosterne, il est recommandé qu'elle pose la paume de ses mains par terre et qu'elle colle ses doigts ensemble en direction de la Qibla et que ses doigts ne soient pas fermés. Donc ses doigts sont allongés. Hein? Et que lorsqu'elle se prosterne, elle élève ses coudes. Elle élève ses deux coudes sur le côté. Et ça, bien entendu, c'est lorsque la personne prie tout seule, hein, qu'elle prie une prière surérogatoire et qu'elle prie pas en jama'a. Si elle prie en jama'a et qu'il y a d'autres personnes à côté d'elle, donc elle va pas étendre ses deux coudes sur le côté pour pas nuire aux personnes qui sont à côté d'elle. Mais elle va soulever quand même ses coudes du sol. Parce que les coudes ne doivent pas toucher au sol pendant que la personne, elle se prosterne. Le cheikh explique également qu'il est détestable de faire la salat dans un endroit où il fait extrêmement chaud ou extrêmement froid. Parce que lorsque la personne prie dans un endroit où il fait extrêmement chaud ou extrêmement froid, eh bien ça enlève la dévotion et la concentration de la personne. Elle n'arrive pas à se concentrer correctement dans sa prière à cause du froid ou à cause de la chaleur intense. Et il est également recommandé, c'est-à-dire ça fait partie de la sunna, pour la personne qui est prosternée, qu'elle écarte ses cuisses ou ses jambes, qu'elle écarte ses deux bras de chaque côté et que qu'elle écarte ses cuisses de son ventre, c'est-à-dire elle ne doit pas être toute collée comme en boule, là, hein, elle ne doit pas se mettre en boule, mais elle doit faire en sorte que ses cuisses et son ventre ne soient pas collés. Et que c'est également ses cuisses soient également séparées de ses mollets. Donc, c'est-à-dire que ses cuisses devraient faire une position droite. Hein. Elles ne doivent pas être trop collées sur le ventre et pas non plus trop collées sur les jambes, sur les mollets. D'accord, donc la personne quand elle est en prosternation, elle n'est pas trop reculée vers derrière pour que ses cuisses soient reculé sur ses mollets, puis elle n'est pas trop également baissée par en dedans ou reculée par en dedans pour que son ventre touche à ses cuisses. Il dit, elle met ses mains à la hauteur de ses épaules dans la prosternation, c'est-à-dire que l'écart entre ses deux mains, ça doit être de façon à ce que ses mains soient à la même hauteur ou à la même distance l'une de l'autre que ses deux épaules. D'accord ? Donc sa main droite devrait être en face de son épaule droite, hein, en ligne avec son épaule droite, et sa main gauche devrait être en ligne avec l'épaule gauche. ويفرق بين ركبتيه ورجليه. نعم. Donc, c'est ça. Il doit écarter ses genoux et ses pieds pendant la prosternation. C'est-à-dire que ses deux genoux ne doivent pas être collés pendant la prosternation. Doivent être écartés. En ce qui concerne ce qu'il dit ici au sujet d'Ar-Rijlain, donc que ses deux jambes doivent être séparés, il y a un hadith hein, que Cheikh Al-Albani a rapporté à ce sujet-là qui mentionne que la sunna dans la salat pendant le sujoud, c'est de coller les deux pieds. Donc ça, ça c'est quelque chose qu'on va mentionner ici. Mais ça arrive souvent dans les livres de fiqh qu'il y ait des choses qui soient mentionnées par les fuqaha, puis que par la suite, quand on regarde les preuves, on voit que il y a des choses qui sont différentes, hein? Et donc c'est pour ça que il n'y a pas un madhab ou une position d'un madhab qui est parfait à 100%. Il y a toujours dans les livres de fiqh des choses qui sont à prendre et d'autres qui sont à laisser selon les preuves, hein? Et donc c'est pour ça que les positions que le cheikh il énonce ici, la plupart c'est les positions qui sont connues dans le madhab al-Hanbali. Toutefois, le Cheikh Abdul Muhsin, étant donné que il clarifie parfois les adillah et il va supporter parfois des positions qui sont en accord avec la position des Hanabila, des fois il va contredire le madhab aussi. Pourquoi ? Parce qu'il ramène les preuves et il supporte sa position en se basant sur les preuves en question. Donc, on va voir ici qu'est-ce qu'il explique. Le point numéro 1 qu'il a rapporté, il dit بعد انتهاء المصلي من قيامه بعد الركوع واطمئنانه فيه يخر ساجدا مكبرا عند هويه إلى السجود وتقديم الركبتين ثم اليدين ثم الوجه الذي ذكره الشيخ دل عليه حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه رواه النسائي والترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه غير شريك والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. Donc il dit, après avoir terminé de faire le recours, la personne elle se lève, et une fois qu'elle s'est relevée du recours et qu'elle a retrouvé sa sérénité et son calme dans cette position là eh bien, elle se penche pour se diriger dans la prosternation en faisant le takbir. Et elle se dirige vers la prosternation. Et le cheikh, qu'est-ce qu'il a mentionné ici au sujet du fait que la personne, elle va mettre ses genoux en premier, puis ensuite ses mains et son visage. Ça, c'est ce qui a été mentionné par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et ça c'est supporté par un hadith rapporté par, selon Wa'il ibn Hajar radiyallahu anhu, il dit qu'il a vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se prosternait, il mettait ses genoux avant ses mains, et lorsqu'il se levait, il levait ses mains avant ses genoux. Et ça, c'est rapporté par An-Nasa'i et par At-Tirmidhi. Et At-Tirmidhi a dit, ceci est un hadith qui est Hassan Gharib. Il dit, on ne connaît pas personne d'autre qui l'a rapporté autre que Shuraik. Et il dit que c'est ainsi que la plupart des ulama, des hommes de science, ont fait. Hein, ils agissent selon ce hadith. Et ils rapportent donc de... qu'il rapporte qu'on doit mettre donc les genoux avant les mains. Lorsqu'on se baisse et lorsqu'on se relève, on lève les mains, puis ensuite les genoux. Il dit, وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى تَقْدِيمِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير رواه أبو داود والنسائي واللفظ له وفي سنن أبي داود طريق أخرى لحديث وائل عن عبد الجبار ابن وائل عنه ولحديث أبي هريرة في سنن أبي داود وطريق أخرى بلفظ يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل ليس فيه ذكر اليدين والرجلين وكل من أصحاب القولين يرون ما ذهبوا إليه خلاف هيئة بروك البعير وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في جواب سؤال أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء ولكن تنازعوا في الأفضل وهذا وعلى هذا فالأمر في ذلك واسع لكن على المصلي أن يتجنب هيئة بروك البعير وهي كونه ينزل بجسمه على الأرض بقوة وشدة. Donc le cheikh il dit ensuite que certains parmi les hommes de science ont rapporté ou ont pris la position que dans la prosternation on devait mettre les mains par terre avant les genoux. Et il se base sur le hadith de Abu Huraira, radiallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsque l'un d'entre vous se prosterne, qu'il mette ses mains avant ses genoux, et qu'il ne s'assoie pas ou qu'il ne se baisse pas comme la façon dont le chameau s'assoit. Et c'est rapporté par Abu Daoud, An-Nasa'i, et ça c'est la version de An-Nasa'i, et également rapporté par Abu Daoud dans son Sunan. Et il y a d'autres narrations de ce hadith. Selon Wa'il, selon Abdul Jabbar, selon le fils de Wa'il, et le hadith de Abu Huraira également est rapporté dans Sunan Abi Dawud par d'autres voies également, avec avec les termes ou la version suivante, c'est-à-dire que l'un d'entre vous dans sa prière ne s'assoit pas lorsqu'il se prosterne de la manière du chameau lorsque le chameau s'assoit. Et donc ça c'est l'explication, donc que certains ulama ont dit que il faut donc selon eux poser la main avant les genoux. Mais le cheikh, il explique que dans la deuxième version, il n'y a pas la mention des mains et des genoux, comme dans la première version qui était rapportée, que lorsque l'un d'entre vous se prosterne, qu'il place ses mains avant ses genoux. Dans la deuxième version, c'est pas mentionné ça, mais c'est mentionné de pas se prosterner comme le chameau quand il s'assoit. Et le cheikh, il explique un point ici qui est important, c'est que les deux positions, hein, ceux qui disent qu'il faut se prosterner sur les genoux en premier puis ensuite les mains, et ceux qui disent qu'il faut se prosterner sur les mains en premier et ensuite les genoux, les deux considèrent que la position qu'ils ont adoptée est contraire à la façon dont s'assoit le chameau. Les deux considèrent que ils se prosternent d'une façon différente de celle du chameau, dans le sens que ceux qui se prosternent sur les genoux en premier, ils se basent sur ce même hadith aussi, et ceux qui se prosternent sur les genoux en premier, sur les mains en premier, ils prétendent aussi respecter ce hadith. Donc les deux, ils prétendent respecter ce hadith. Parce que le problème dans ça, c'est que un chameau, quand il s'assoit, on peut pas vraiment déterminer qu'est-ce qui est son. C'est pas qu'on peut pas déterminer, mais c'est pas clair parfois, ou c'est une différence d'interprétation sur qu'est-ce qui est le genou et qu'est-ce qui est les mains du chameau. C'est quoi la main du chameau, c'est quoi le genou du chameau? Parce que quand on voit comment il s'assoit, eh bien, ça donne l'impression que c'est... Moi, quand j'ai regardé le chameau, comment il s'assoit, j'ai vu que ça donnait l'impression que c'était ses genoux, mais c'est pas vraiment nécessairement ses genoux. Hein? Parce qu'il se penche par en avant en premier, puis après par derrière. Est-ce qu'on dit que les pattes de devant sont les mains, puis que les pattes de derrière sont les jambes ou les genoux? Ou bien qu'on considère que les plis dans la jambe, le pli comme le genou dans la jambe de devant, ça équivaut à ses genoux, mais il en a aussi en arrière, donc dans les deux cas, ce serait ses genoux. Disons que les deux interprètent d'une façon différente la façon dont le chameau s'assoit. Mais Cheikh al-Islam, lui, il a mentionné dans Majmou' al-Fatawa, le volume 22 à la page 449, à la réponse au sujet de cette question, il a dit qu'en ce qui concerne la salat, le fait de, quand tu fais ta salat, que tu te prosternes sur tes genoux ou sur tes mains, les ulama sont tous d'accord pour dire que dans les deux cas c'est permis. Que tu te prosternes en premier sur tes genoux ou sur tes mains, les savants sont tous d'accord sur le fait que dans les deux cas c'est permis de le faire, sur tes mains ou sur tes genoux. Et il dit que celui qui veut prier en mettant ses genoux en premier avant ses mains, ou en mettant ses mains avant ses genoux, dans les deux cas sa salat elle est valable, selon l'accord de tous les ulama. Mais ils ont divergé entre eux sur qu'est-ce qui est meilleur. C'est quoi le meilleur? Est-ce que c'est de descendre sur les genoux ou de descendre sur les mains? C'est une question de savoir est-ce que c'est de descendre sur les mains qui est meilleur ou de descendre sur les genoux qui est meilleur. Et il dit, Cheikh Abdul Mohsin, après avoir cité cette parole de Ibn Taymiyyah, il dit, donc on voit que l'affaire elle est large, dans le sens que t'as le choix, tu peux faire un ou l'autre, c'est pas une question de divergence qui va créer des problèmes entre les croyants ou entre les musulmans lorsque certains décident de descendre sur les genoux ou certains décident de descendre sur les mains. Ça devrait pas arriver au point où ça va créer des disputes ou des conflits entre eux, parce que ça c'est des divergences d'interprétation entre les ulama, et puis donc à cause de ça il faut pas en faire un gros problème. Le cheikh il dit, mais dans cette question là qu'est-ce qui est important, c'est que tu évites de descendre comme le chameau dans le sens que tu descends pas avec tout ton corps de façon dure et trop forte. Comme s'il y en a qui se laissent tomber vraiment lourdement, là, qui s'écrasent par terre en se prosternant, et c'est ça qui n'est pas correct. Parce que c'est comme ça, en fait, que le chameau, il fait quand il descend. Et c'est ça qui est blâmable. Le cheikh, il dit ensuite, ثانياً يسجد على أعضائه السبعة وهي الجبهة مع الأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين. لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيديه وأشار بيده إلى أنفه على الجبهة وأشار بيده على أنفه فأمرت أن أسجد إلى سبعة على سبعة أعظم على الجبهة وأشار على يده أشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين رواه البخاري ومسلم والسجود عليها ركن من أركان الصلاة وفي هذه الآية خضوع وذل لله عز وجل بوضع أشرف شيء منه على الأرض ولكون المصلي في سجوده ممكنا هذه الأعضاء السبعة من الأرض وكون كل ركعة فيها سجدتان سميت مواضع العبادة مساجد ولم تسمى مواقف ولا مراكع ولا مجالس وهي الأحوال الأربعة التي لا تخرج عنها أفعال المصلي. Donc le cheikh il explique que le musulman quand il se prosterne sur sept membres. Le front et le nez, ça fait un. Les deux mains, ça fait trois. Les deux genoux, ça fait cinq. Et les bouts des deux pieds, ça fait sept. Et c'est basé sur le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai été ordonné de me prosterner sur sept membres. Le front, et il a indiqué son nez avec sa main, le front et le nez ensemble avec sa main, donc ça fait un, et les deux mains et les deux genoux et les bouts des deux pieds. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim comme on l'a dit, et il dit que de se prosterner sur ces sept membres, c'est un pilier de la salat. C'est un rukn, un pilier de la salat. Donc si tu ne le fais pas, ta prière ne sera pas valable. Donc c'est très important. Et il dit le cheikh que dans cette position-là, le musulman, il démontre à Allah de l'humilité et de la soumission. En mettant sur le sol ce qu'il y a de plus noble en lui, c'est-à-dire son visage. Et le fait que l'endroit où le musulman prie, sur ses sept membres, lorsqu'il les place par terre, il dit que on prie sur ses sept membres et on les met par terre, et que dans chaque raka, on fait deux prosternations. Deux prosternations. Donc ça prouve l'importance de la prosternation. Et il dit que on appelle l'endroit où on fait la prière et on établit cette adoration là, on les appelle masajid. On appelle la mosquée masjid. Pourquoi on appelle la mosquée masjid? C'est l'endroit où on se prosterne. Ça montre que ça a une importance. Masjid, c'est l'endroit où on fait sajda. Et masajid, c'est les membres sur lesquels on se prosterne. Pourtant, dans la prière, on est debout, on fait le recours et on s'assoit. Mais pourquoi on n'a pas appelé la mosquée par maraki' ou bien majalis ou bien mawaqif? Pourquoi? Parce que la position la plus importante dans la salat, c'est le sujoud. Malgré qu'on a ces autres états-là dans la prière, ces quatre autres états dans lesquels on est debout, on est incliné, on est assis, hein, en plus de la prosternation. Donc tout ça, c'est pour montrer l'importance du sujoud. Après, le cheikh, il dit, point numéro 3, يَضَعُ الْمُصَلِّي فِي سُجُودِهِ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ مُوَجِّهًا أَطْرَافَ أَصَابِعَهَا إِلَى الْقِبْلَةِ لِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَوْ يَضَعُ يَدَيْهِ قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ لِحَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حَجَرٍ فِي سُنَنِ النَّسَائِي بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ رَافِعًا ذِرَاعَيْهِ عَنِ الْأَرْضِ لِحَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا ينبس أحد ولا ينبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب رواه البخاري ومسلم ولحديث عائشة رضي الله عنها وفيه وينهى أن يفترش الرجل وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع أو السبع رواه مسلم ويجافي ذراعيه عن جنبيه لحديث عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه رواه البخاري ومسلم. Donc le cheikh, il dit que troisièmement, le musalli, la personne qui fait la salat, dans son sujoud, il doit في سجوده يعني يضع يديه على الأرض. Donc il met ses mains par terre quand il se prosterne à la même égalité que ses épaules, en positionnant ses doigts, hein, le bout de ses doigts vers la Qibla. Et ça, c'est basé sur le hadith de Abu Humayd rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de transmission qui est authentique. Ou bien il peut également mettre ses mains à côté de, proche de ses deux oreilles, chacune de ses mains près de ses deux oreilles. Ça aussi, c'est rapporté dans un hadith selon Wa'il ibn Hajar dans Sunan al-Nasa'i avec une chaîne de transmission qui est Hassan. Il dit Rafi'an dhira'ayhi 'anil ard. Il va pas laisser ses bras, ses avant-bras sur le sol quand il est prosterné. Et ça, c'est rapporté selon Anas ibn Malik que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous dans la prosternation n'étende pas ses avant-bras sur le sol à la façon dont le fait le chien. Hein, le chien qui, quand il est couché, en est par terre, il étend ses avant-bras sur le sol. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le hadith c'est le hadith donc authentique. Et il dit également, il y a un hadith qui est rapporté par Aïcha radiallahu anha par l'imam muslim, hein, selon Aïcha, qui interdit également d'étendre les bras, hein, les avant-bras sur le sol à la manière des bêtes sauvages, hein, des bêtes féroces. Et il dit la personne doit également étendre ses bras sur le côté. Et ça, c'est basé sur le hadith de Abdullah ibn Malik ibn Buhayna radiyallahu anhu par Al-Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait le sujoud, il écartait ses deux bras de chaque côté jusqu'à ce qu'on voit la blancheur de ses aisselles, hein, pendant qu'il se prosterne. Et ça, c'est encore un hadith authentique à ce sujet-là. Et comme je disais tout à l'heure, ça, c'est bien entendu lorsque la personne, elle prie une prière surérogatoire lorsqu'elle est seule, ou bien lorsqu'elle est imam, elle peut faire ça. Mais si elle prie dans le rang, eh bien, elle va pas écarter ses bras sur le côté trop large pour justement écraser les gens qui sont à côté de lui. Parce que sinon, les gens à côté de lui vont être écrasés à cause de ça. Et donc, ça, c'est pas correct. L'important, c'est que ses bras vont pas être étendus, ses avant-bras vont pas être allongés sur le sol. Le cheikh, il dit ensuite, وَيَعْتَدِلُ فِي سُجُودِهِ فَلَا يَتَكَلَّفُ فِيهِ حَتَّى يَكُونَ كَهَيْئَةِ الَّذِي يَكَادُ أَنْ يَنْبَطِحَ عَلَى الْأَرْضِ وَلَا يَكْسُلُ فِيهِ بِحَيْثُ يَلْسُقُ بَطْنَهُ بِفَخِذِهِ وَفَخِذُهُ بِسَاقِهِ وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قوله لرجل لعلك من الذين يصلون على أوراكهم قال مالك وهو أحد رواته يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. Donc, il dit que lorsque la personne, elle fait son sujoud, elle doit rester, yani, modérée, équilibrée. Et elle ne doit pas se prosterner en allongeant son corps sur toute sa longueur, comme si on dirait qu'elle va s'allonger par terre. Et elle ne doit pas non plus se refermer sur elle-même ou se coller sur elle-même, de façon à ce que ses jambes et son ventre soient, ses cuisses et son ventre soient collées, et que ses mollets et ses cuisses soient fermées, comme les gens parfois, j'ai lu ça dans un livre de fiqh une fois, des Ahnaf, hein. Vous savez, les Turcs, des fois, ils ont des livres pour enseigner à faire la prière, et les Pakistanais aussi. Et eux, leur madhab, c'est le madhab al-Hanafi. Mais parfois, dedans, il y a des choses que tu lis, tu vois des choses contraires aux preuves des hadiths authentiques dans leur livre. Par exemple, j'ai vu dans un de leurs livres qu'ils enseignaient que lorsque quelqu'un fait la salat, si c'est un homme, ok, il va écarter son corps, il va se mettre... il va pas coller ses cuisses sur son ventre et non plus ses mollets sur ses cuisses non plus. Il va pas se mettre comme en boule là. Mais par contre, il disait que la femme, elle doit pas se prosterner comme l'homme. Elle doit coller ses cuisses et son ventre ensemble et se refermer là. Et c'est comme s'il faisait une différence entre la prosternation de l'homme et la prosternation de la femme. Et on sait que, en règle générale dans l'islam, s'il n'y a pas une chose qui vient distinguer ou spécifier qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes dans les règles de la religion, dans ce cas-là, la règle générale, c'est que c'est les mêmes pour l'homme et pour la femme. Et pour distinguer, il faut une preuve. Il n'y a pas de preuves qui ont été rapportées sur le fait que la prière de l'homme soit différente de celle de la femme. Hein? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a enseigné aux musulmans à prier, il n'a pas dit « les femmes ne prient pas de la même manière que moi ». Hein? Il a enseigné en disant « Sallu kama ra'aytumuni usalli ». Priez comme vous m'avez vu prier. Et donc, le fait de dire à la femme de coller son ventre sur ses cuisses ou des trucs comme ça, ou de se mettre en boule dans la prosternation, ça c'est pas supporté par une preuve, et en même temps c'est en contradiction avec les preuves. Et il y a un hadith qui est rapporté dans Sahih al-Bukhari justement, selon Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, quand il a dit à un homme, peut-être que toi tu fais partie de ceux qui prient sur leur fessier. Hein, quand ils prient, ils sont sur leur fessier, en voulant dire que yani, ils s'élèvent pas, ils sont tous collés hein, sur la terre. C'est comme si ils s'élèvent pas de la terre quand ils prient. Et ça, c'est pas correct. Naam. Et le quatrième point et le cinquième point qui est mentionné ici, il dit وَيَضَعُ رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ منصوبتين مستقبلا ببطن أصابعهما القبلة لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ويستقبل بأطراف أصابعه رجليه بأطراف أصابع رجليه القبلة ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة رواه البخاري ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى لحديث حذيفة أخرجه مسلم وتقدم في الركوع ما يتعلق بالتسبيح في الركوع والسجود. Donc le cheikh il dit que comme point numéro 4, la personne lorsqu'elle est prosternée, elle met ses deux pieds droits, mais elle dirige la pointe de ses orteils en direction de la Qibla, tandis que la paume de son pied va être perpendiculaire, si on veut, au sol, hein, arqué. Donc, ça c'est la description qui a été donnée dans le hadith de Abi Humayd al-Sa'idi, qui est rapporté par Al-Bukhari, lorsqu'il a décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pointait ses orteils vers la Qibla pendant la prosternation. Non. Donc ça c'est rapporté, comme on a dit, par Al-Bukhari. Et en ce qui concerne le dhikr qui est à mentionner dans le sujoud, c'est de répéter Subhana Rabbi al-A'la, comme c'est mentionné dans le hadith de Hudhayfa radiyallahu anhu, qui est rapporté par l'imam muslim. Et on en a parlé lorsqu'on a parlé du ruku', on a parlé de at-tasbih dans le ruku' et dans le sujoud en même temps. Donc ça c'est ce qui vient conclure le cours d'aujourd'hui à ce sujet, dans Adab al-Mashi et la Salah, et on expliquera la suite au prochain cours, Inch'Allah. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, on va commencer.